Gabus in ecken us a votante me, nous ont quitté. Il est resté une trace de leur passage. Un ciel bleu, une prairie, eau cristalline. Ils sont de la même culture, mais notre culture commence à la naissance. Tandis qu'ils ont rejoint les étoiles. Quand nous aînés que nous avons tant aimé, nous ont quittés, il est resté une trace de leur passage. Un pas dans l'heure afin de rythmer la marche. La nature enfantée en toutes ses subtilités est imprégnée. La rivière, la lune est une sœur. Un sourire terrien au sentiment brillant de la nuit. Un regard dans un autre regard. Une main à cinq doigts sur un crâne ou qui serre une autre main. Quand nos aînés que nous avons tant aimés, nous ont quittés, il est resté une trace de leur passage. Une bouche sur une joue enjouée. Un mouvement au vent portant en son sein les courages inespérés. Quand nos aînés que nous avons tant aimés nous ont quittés, il est resté le sillage de leur esprit ou leur fantaisie pour suivre le chemin.